Ce fut une apparition grave et terrible que celle de la comtesse. Elle regarda le lit de mort, mal éclairé par une seule chandelle, et versa des pleurs en apercevant le masque de son père où palpitaient encore les derniers tressaillements de la vie. Bianchon se retira par discrétion. « Je ne me suis pas échappé assez tôt, » dit la comtesse à Rastignac. L'étudiant fit un signe de tête affirmatif plein de tristesse. Madame de Restaud prit la main de son père, la baisa. « Pardonnez-moi, mon père. Vous disiez que ma voix vous rappellerait de la tombe. Eh bien, revenez un moment à la vie pour bénir votre fille repentante. Entendez-moi. Ceci est affreux. Votre bénédiction est la seule que je puisse recevoir ici-bas, désormais. Tout le monde me hait. Vous seul m'aimez. Mes enfants eux-mêmes me haïront. Emmenez-moi avec vous. Je vous aimerai. Je vous soignerai. » Il n'entend plus. Je suis folle. Elle tomba sur ses genoux et contempla ce débris avec une expression de délire. « Rien ne manque à mon malheur, » dit-elle en regardant Eugène. « Monsieur de Trailles est parti, laissant ici des dettes énormes, et j'ai su qu'il me trompait. Mon mari ne me pardonnera jamais, et je l'ai laissé le maître de ma fortune. J'ai perdu toutes mes illusions. Hélas, pour qui ai-je trahi? Le seul cœur, » elle montra son père, « où j'étais adoré. Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait mille maux, infâme que je suis. » « Il le savait, » dit Rastignac.